que l'on fasse et quoi qu'on dise, oui, rien n'est plus fort que l'amour. On lui fait face, mais sans surprise, il vous fait danser à sa guise. Comme une araignée sur sa toile, dans votre cœur l'amour s'installe. Et vous acceptez comme un brave d'être son valet, son esclave. Quoi que l'on fasse et quoi qu'on dise, oui, rien n'est plus fort que l'amour. Quoi que l'on fasse et quoi qu'on dise, il s'approche à pas de velours. Il fait des grâces et on lui cède. On n'y peut rien, il vous possède. Oui, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, on est tout petit devant l'amour. On se conduit comme un ado, on a beau crier rideau, il vous mène par le bout du cœur, car c'est toujours lui le vainqueur. Quoi que l'on fasse et quoi qu'on dise, yeah, on ne peut se passer de lui. Quoi que l'on fasse et quoi qu'on dise, il fait le beau temps et la pluie. Quoi que l'on dise ou quoi qu'on fasse, l'amour le plus fort. Quand on le méprise ou qu'on le chasse, il vous attrape, il vous dévore. Car c'est l'amour, toujours l'amour.